Épilogue, chapitre 1er. L'oncle René était parti pour l'Amérique à 25 ans, avec une santé robuste, un caractère plein d'énergie et de résolution, et un viatique de 50 000 francs. Le rêve de Lucien Régnier était de devenir multimillionnaire. Jusque-là, il n'avait pas fait œuvre de ses 10 doigts. Et à la mort de ses parents, s'il s'était décidé à s'expatrier, c'était précisément pour couper court à une existence de farniente et de plaisirs variés, mais dispendieux, et à la suite d'une aventure de jeu qui lui avait coûté 20 000 francs. Il se sentait sur la pente roulant de jeunesse oisive, et au bas de laquelle on trouve la ruine, sinon pire. Lucien Régnier eut donc cette sagesse de concevoir pour lui une existence nouvelle, et ce courage non moins méritoire d'exécuter sans balancer la résolution qu'il avait prise. Il réalisa donc ce qui lui restait sur sa part d'héritage, dit adieu à son frère et prit le paquebot. Nous ne raconterons pas en détail ses avatars dans la Libre Amérique. Qu'il nous suffise de dire qu'il chercha longtemps sa veine sans la trouver, perdit 30 000 francs dans une entreprise engagée sans expérience, le reste dans une seconde, et se retrouva un beau jour à San Francisco sans un sou vaillant. Il ne se découragea point et s'en alla tâter de la prospection en Californie. L'or ne donnant pas, il se fit cow-boy dans l'Illinois, puis se rendit dans le Texas, où il se mit, sans plus de chance, dans le pétrole. Enfin, après plusieurs années de vaines entreprises, il eut l'idée qu'il devait faire sa fortune, s'installa à Chicago, où il fit le commerce des pots et cuirs. 15 ans plus tard, il valait 6 millions de dollars, et s'il avait eu de l'ambition, il aurait pu en valoir 10 fois autant et devenir roi du cuir. Mais Lucien Régnier était un sage. Il estima qu'une fortune de 30 millions de francs suffisait à ses besoins, et comme il avait passé la cinquantaine, il arrêta ses grandes opérations et prit un repos relatif à Philadelphie, où il se retira. À partir de ce moment, et c'était inévitable, il commença à s'ennuyer. Jusqu'alors, en effet, sa vie avait été si mouvementée qu'il n'avait eu ni le loisir, ni même la pensée de se créer un foyer. À 54 ans, il se vit riche, mais seul dans la vie avec pour toute compagnie, des domestiques plus ou moins fidèles, plus ou moins que plus. Et il était trop tard pour qu'il pût songer à établir ménage. Ce fut alors qu'il se souvint du dernier descendant direct de sa famille, de ce neveu qu'il ne connaissait pas, mais dont il recevait régulièrement des nouvelles à l'occasion de chaque renouvellement d'année. Un jour, il lui écrivit en le priant de vouloir bien venir passer quelque temps à Philadelphie avec son vieil oncle, et joignit un chèque de 10 000 francs pour le voyage. Sans patience vain, passa 3 semaines avec l'oncle Régnier, mais en dépit de l'affection réelle qu'il éprouvait pour le seul parent qu'il posséda, ne put rester davantage. Il éprouvait la nostalgie de la France, de la Lorraine, de son vieux Verdun surtout. Ces 3 courtes semaines suffirent à son oncle pour étudier, pour analyser, avec un instinct très sûr, ce caractère extraordinaire. Et l'oncle Régnier se rendit compte que, comme beaucoup de défauts, ceux de sans patience pouvaient tourner à l'avantage de leurs propriétaires s'ils étaient utilisés dans un certain sens. Ces emportements, en effet, ne devaient être que les manifestations d'une surabondance d'énergie, et sa misanthropie que le résultat d'une existence sauvage et solitaire passée volontairement presque au dehors de tout commerce humain. Ses défauts à part, sans patience était loyal, intelligent, courageux, bon et même généreux. Si l'on savait s'y prendre, on pouvait donc faire quelque chose de lui. Le fameux testament que nous connaissons ne mentait qu'à moitié. Le rêve de l'oncle Régnier était en effet de revenir en France, vivre avec le neveu qui restait son seul parent, de voir ce neveu marié et d'achever ses jours au milieu d'une famille qu'il pourrait considérer comme sienne. C'est pourquoi il entreprit cette tâche inouïe de modifier le caractère de sans patience. Du reste, et à la rigueur, l'oncle Régnier aurait passé sur ce caractère coléreux qui au fond l'amusait, sachant que devant lui, sans patience, se contiendrait toujours. Mais ce rude lutteur qui avait tant bataillé dans la vie pour amasser une fortune ne pouvait admettre qu'à 33 ans, un homme robuste, courageux, intelligent, ne vécût que pour lui, en inutile, et n'employât pas ses facultés à travailler, ne fût-ce que pour s'occuper. Car pour l'oncle Régnier, le travail était l'imprescriptible loi de la vie, et selon lui, le proverbe avait raison qui disait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. On comprend alors pourquoi il imagina cette originale comédie du testament. À l'âge auquel il était parvenu, sa mort était vraisemblable et sans patience ne pouvait, ne devait même concevoir aucun doute à cet égard. Quant aux conditions du testament, l'oncle Régnier connaissait si bien son neveu qu'il était certain de son acceptation, motivé non seulement par le désir légitime de recueillir un héritage considérable, mais surtout par amour-propre et par combativité, et pour le plaisir de vaincre les difficultés de l'entreprise. Selon l'oncle Régnier, ce voyage, de quelque manière qu'il l'entreprit, devait avoir une influence considérable sur le caractère de son neveu, en le sortant du cercle étroit où il avait renfermé sa vie, en le mettant obligatoirement en contact avec d'autres individualités, en l'obligeant à contenir fréquemment son humeur emportée, enfin et surtout en lui faisant connaître la rude et saine beauté de l'action et la joie féconde de la difficulté vaincue. On a vu que, sous son aspect un peu fruste, l'oncle Régnier était un psychologue sagace et qu'il ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Lorsque l'oncle Régnier fut avisé de l'acceptation de principe de sans patience, il envoya immédiatement en France le meilleur détective d'une agence de police privée de Philadelphie, lequel, en plus des rares qualités professionnelles, avait l'avantage de parler le français sans accent. Cet homme avait ordre de ne pas quitter sans patience d'une semelle, de se tenir au courant de ses intentions, de surveiller la moindre de ses démarches, enfin d'être en mesure de renseigner son client de la façon la plus minutieuse et la plus exacte sur les faits et gestes du ver du noix. Cet homme devait câbler son rapport tous les jours. Muni de ses instructions précises, lesté d'une respectable provision de banknotes, l'agent partit. Et sans patience ne se douta jamais que 8 jours après son arrivée à Paris, un détective privé, envoyé par un oncle qu'il croyait mort et enterré, lui servait fidèlement d'ange gardien. Extrêmement adroit, possédant une habileté toute spéciale pour se grimer, le policier sut toujours passer inaperçu de celui qu'il filait, avec tant d'intelligente constance. Et par lui, jour par jour, l'oncle Régnier fut mis au courant des moindres incidents de la vie nouvelle de son neveu, de ses relations suivies avec l'ingénieur Dubois, des projets des deux amis, de leurs travaux, puis de leurs essais à l'aérodrome d'Étampes. Lorsqu'il apprit la façon hardie dont sans patience avait conçu son voyage, l'oncle Régnier ne fut pas sans inquiétude. Il ne voulait pas la mort du pêcheur, mais seulement sa conversion. Or, envisagée de cette façon, l'entreprise lui semblait téméraire, et même périlleuse. Pourtant, à force de réfléchir, il se rassura en pensant qu'après tout, il avait la ressource d'intervenir, si c'était nécessaire. Le policier, fidèle à sa consigne, câblait laconiquement son rapport tous les jours. Entre-temps, il envoyait fréquemment à son client des lettres dans lesquelles il pouvait s'étendre sur des détails secondaires, mais qui néanmoins pouvaient avoir leur importance. C'est ainsi qu'un jour, l'oncle Régnier fut mis au courant de ce que nous savons déjà, et qui n'avait pas échappé davantage au sagace observateur américain, au sujet des excellentes dispositions du neveu à l'égard de la sœur du gentleman inventeur. « Tiens, tiens !» se dit à lui-même l'oncle Régnier. Et il câbla immédiatement, donner renseignements complets sur jeune fille, répondre par lettre. 10 jours plus tard, l'oncle Régnier recevait les renseignements demandés, non seulement sur la jeune fille, mais sur son frère. Ce fut ainsi qu'il fut mis au courant des avatars de l'existence de l'ingénieur, de son courage dans le malheur, de son dévouement pour sa sœur, et de la dignité de leur vie à tous deux. L'oncle Régnier lut cette lettre avec beaucoup de satisfaction. « All right, » dit-il en la repliant. « Gageons que mon coquin de neveu, en même temps qu'un ami, va trouver autre chose qui lui sera encore plus précieux pour son amendement. Reste à savoir si l'accord pourra se faire. Bah, pourquoi pas. Quand les aventures auront un peu maté son caractère, on pourra mieux juger de ses qualités. » Vers la fin du mois de décembre, l'excellent homme reçut ses dépêches, départ probable courant janvier. Il manda aussitôt à son correspondant « Continue d'observer, mais ne câblez plus, j'arrive. » Et l'oncle Régnier, à son tour, se disposa à partir pour la France.